Document 3, page 16. Alors, quel candidat allons-nous choisir pour remplacer Madame Petier, qui part à la retraite ? Moi, je propose Mademoiselle Dulac. Elle est très sérieuse, rapide, et elle est dynamique. Et vous, Xavier ? Lequel choisissez-vous ? Moi, je préfère Monsieur Vincent. Il est travailleur, compétent, et il est toujours à l'heure. Mademoiselle Dulac est souvent en retard. Ah non ! Monsieur Vincent est trop timide. Il ne pourra jamais diriger une équipe. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas Madame Normand ? Elle est ponctuelle, efficace. Oui, mais elle a beaucoup de problèmes personnels. Bon, Claudia, laquelle préférez-vous ? Mademoiselle Dulac ou Madame Normand ? Je ne sais pas. Laquelle est la plus ancienne dans notre société ? Mademoiselle Dulac, je crois. Mais Madame Normand est plus expérimentée. Elle a travaillé pendant 10 ans dans une société concurrente. Laquelle ? Auto Plus. Oui, je connais bien. Mon frère a travaillé là pendant quelques années. Bon, finalement, quelle est votre décision ? Si vous préférez Madame Normand, je suis d'accord. Moi aussi. Elle est intelligente et elle est très aimable. Parfait. Quel jour sommes-nous ? Mardi. Convoquez-la dans mon bureau jeudi matin à 8 heures.